إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on continue dans ce qu'on a expliqué dans les paroles du Cheikh Zayd al-Madkhali حفظه الله au sujet de qu'est-ce qu'on a expliqué de al-wala wal-bara et du principe de al-wala wal-bara, et en particulier par rapport à qu'est-ce qui concerne les gens d'innovation, les gens de bid'ah, et qu'est-ce qu'on a commencé à clarifier à ce sujet-là. Donc on a parlé de l'attitude des salafs vis-à-vis des gens de bid'ah et comment ils se comportaient envers eux, et en particulier ceux qui appellent à l'innovation. Le cheikh, il continue sur ce point-là. Il dit « فَكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ سَلِيمِ الْفِطْرَةِ قابل للخير يلتمس الخير قابل للخير يلتمس الخير ويلتمس الصلاح لنفسه فيتسلط عليه أهل البدع على اختلاف أنواعهم، إما الجهمية المعطلة، وإما المعتزلة، وإما الأشاعرة ومن والاهم. Donc le cheikh il dit combien de gens qui ont une fitra, hein, une nature, un état pur qui n'a pas été corrompu par toutes sortes d'idées contraires à l'islam, qui acceptent la vérité, qui recherchent le bien et qui recherchent à se réformer, à se corriger lui-même, et yani les gens de bid'a prennent le dessus sur lui et il l'invite à différentes innovations, différentes croyances, différentes sectes, parmi les différentes bid'a qui existent. Et le cheikh, il énumère certaines d'entre les bid'a qui sont apparues dans la Umma à certains moments de l'histoire, et il donne ces différentes sectes-là comme exemple. Et le premier qu'il cite ou qu'il mentionne, c'est Al-Jahmiyyah. Et en note de bas de page, il y a une petite définition qui est mentionnée par rapport à Al-Jahmiyyah. Il dit Al-Jahmiyyah ashab al-Jahm ibn Safwan wa huwa min al-Jabriyyah al-Khalisa zaharat bid'atuhu bi Tirmiz wa qatalahu Salim ibn Ahwaz al-Mazini bi Marwin fi akhiri mulk bani Umayyah ووافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء. Donc c'est une définition ou une clarification qui est tirée de Al-Milal ou Al-Nihal, un des livres qui explique la réalité de différentes sectes qui sont apparues à travers l'histoire, dans l'histoire de l'islam. Et donc cette secte qu'on appelle la secte des Jahmiyyah, elle se rapporte à un individu qu'on appelle Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan. Mais en réalité, le vrai fondateur de cette secte, c'est un autre homme qui s'appelle Ja'ad ibn Dirham. Et c'est lui qui était à la base, à l'origine de la secte, en fait, des Jahmiyyah. Mais étant donné que c'est pas lui qui l'a propagé, c'est pas Ja'ad ibn Dirham qui l'a propagé, c'est un de ses élèves qui s'appelle Jahm ibn Safwan. Donc on a attribué cette secte Jahm ibn Safwan. Et c'est pour ça qu'on l'appelle, cette secte, la secte des Jahmiyyah. Et le cheikh, il mentionne qu'ils font partie des Jabriya, des purs Jabriya. C'est-à-dire, Al-Jabriya, c'est une des sectes qui affirme la prédestination, mais qui l'affirme de manière exagérée. C'est-à-dire qu'il y a une autre secte qui oppose cette secte-là, qui est les Qadariya, ou qui sont les Qadariya, qui nient la prédestination. Ils disent que il n'y a rien qui est prédestiné. Et que, l'être humain, il fait ce qu'il veut et il n'y a pas rien qui est prédestiné à l'avance. Donc, à l'opposé de cette secte-là, il y a Al-Jabriya. Ceux-là, ils vont dans l'exagération de l'affirmation de la prédestination et ils disent que l'homme, il n'a pas de volonté et qu'il n'a pas de capacité. Hein? Et qu'il est comme une plume dans le vent. Donc il n'a pas de volonté, il n'a pas de capacité, il se laisse porter par, comme une plume qui se laisse pousser par le vent. Et donc, quand il fait un péché ou qu'il commet quelque chose de haram, il considère que c'est Allah qui le force à faire ça. Hein? Et donc ça fait partie des groupes et des sectes d'égarement. Et Jahm ibn Safwan fait partie de ceux qui croyaient à cet égarement-là et à cette bid'a. Donc comme vous pouvez voir là maintenant, ça c'est une de leurs croyances. Et la ville où cette bid'a est apparue, c'est une ville qu'on appelle Tirmiz. Hein? Et il a été exécuté, Jahm ibn Safwan, par un des dirigeants justement de cette ville-là, qui s'appelait Salm ibn Ahwaz al-Mazini. Il a été exécuté dans la ville de Marwi. Et c'était à la fin du règne de Bani Umayya. Et une autre parmi les innovations de cette secte des Jahmiyyah, c'est qu'ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les noms d'Allah. Donc ils nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans cette bid'a, dans cette secte, on retrouve en fait plusieurs autres croyances d'égarement. Il n'y a pas seulement le problème des noms et des attributs qu'ils nient, mais il y a aussi la question de la prédestination, comme on peut voir, puisqu'ils sont des Jabriya. Puis il y a aussi d'autres questions et d'autres égarements qu'ils ont par rapport, par exemple, à la définition de la foi. Ils sont des Murji'a, des purs Murji'a, puisqu'ils considèrent que les actions et les paroles ne font pas partie de la foi, et que la foi c'est seulement de connaître Allah. Du moment que tu connais Allah, même si tu n'as rien prononcé de la foi, même si tu n'as rien fait des actions de la foi, pour eux, tu es un mu'min. Et donc, c'est pour ça qu'ils croient, ils pensent que même Iblis était un mu'min, et même Pharaon était un mu'min, et beaucoup d'autres égarements comme ça. En ce qui concerne l'autre secte qui est mentionnée par la suite, c'est la secte des Mu'tazila. Et le cheikh, il mentionne une petite définition aussi à ce sujet-là. Il dit que les Mu'tazila, il dit c'est les compagnons de Wasil ibn Atta, Ashab Wasil ibn Atta al-Ghazal. لما اعتزل مجلس الحسن البصري ويقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ويثبت المنزلة بين المنزلتين فطرده فاعتزله نعم فتبعته جماعة وسموا المعتزلة. Donc المعتزلة, ce qu'on appelle المعتزلة, ce sont les gens qui ont suivi Wasil ibn Atta. Et Wasil ibn Atta, c'est une des personnes qui assistait au durus, au cours d'un des imams parmi les tabi'in, un des savants, Al-Hassan al-Basri. Et pendant que Al-Hassan al-Basri était en train d'enseigner au sujet de la foi et au sujet de la aqidah de Ahl-Sunnah vis-à-vis des gens qui commettent des grands péchés et qui font des kaba'ir, et des choses de ce genre, et qu'il expliquait que le musulman qui commet un grand péché, il est toujours croyant, mais que sa foi est faible, et qu'il ne sort pas pour ça de l'islam, il reste toujours considéré comme étant un musulman, et un croyant, sauf qu'on dit de lui qu'il est fasiq, ou bien qu'il est ناقص الإيمان. Eh bien, lui, Wasil ibn Atta, il n'a pas été satisfait de ça. Il n'a pas accepté la aqida d'Ahl al-Sunnah à ce sujet-là. Et il a inventé sa propre aqida. Et il a dit que celui qui commet un grand péché, ou une kabira, il n'est ni mu'min ni kafir. Mais qu'il est dans un degré entre les deux. Hein? Donc ça, c'est un exemple de bid'ah. Quelque chose qui n'a jamais été dit dans l'islam avant que lui le dise. Donc ça, c'est une des croyances d'égarement et de bid'ah qu'ils appellent donc al-manzila bayn al-manzilatayn. Toutefois, dans l'au-delà, ils croient que c'est un kafir, dans le sens qu'il va être pour l'éternité dans l'enfer. C'est-à-dire, il est dans la dunya, s'il boit de l'alcool, ou qu'il fait le zina, ou il fait un meurtre, ou des choses comme ça, ils vont dire, celui-là, c'est ni un croyant, ni un mécréant. Mais dans l'au-delà, il va être dans l'enfer pour l'éternité. Hein? Et donc ça, ça fait partie de leurs égarements. Tandis que les gens d'Ahl al-Sunnah, ils disent non, si le musulman qui fait un grand péché meurt sur ce péché-là sans se repentir, et que ce péché-là n'a pas atteint le niveau de kufr akbar, de shirk akbar, eh bien, il est toujours musulman, il ne sort pas de la foi, on va dire que sa foi, elle est faible, et qu'elle est déficiente, mais on ne va pas dire qu'il n'a plus de foi du tout. Puis, on dit que dans l'au-delà, son sort dépend de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il va le pardonner pour ses péchés, et il va le faire entrer au paradis par sa miséricorde. Et si Allah veut, également il va le châtier selon sa justice pour un certain temps. Et il va le mettre en enfer. Mais tant qu'il n'a pas commis de shirk akbar ou de kufr akbar, il ne va pas rester éternellement en enfer. Il va sortir à un moment donné. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait combien de temps il va rester. Et une des preuves à ce sujet-là, c'est le verset dans le Coran, dans Sourate An-Nisa, dans le verset, je pense que c'est le verset 48, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, hein, qu'on associe avec lui dans l'adoration. Toutefois, il pardonne tout péché qui est moindre à qui il veut. Donc si c'est un autre péché que le shirk akbar, donc si c'est par exemple un meurtre, ou le zina, ou boire de l'alcool, ou voler, ou tuer, ou des choses de ce genre, ça c'est des kaba'ir, sauf que ça n'atteint pas le degré de shirk akbar ou de kufr akbar. Hein? Donc le musulman qui meurt sur ce péché-là sans s'en repentir, il est sous la volonté d'Allah, tandis que celui qui meurt sur le shirk akbar ou le kufr akbar, lui, il est garanti en enfer pour l'éternité. Il est garanti en enfer pour l'éternité. Donc ça c'est sur cette question-là. Parmi les problèmes qu'ils ont également, ces gens-là, c'est qu'ils nient la prédestination, les Mu'tazila. Ils ne croient pas en Al-Qadar. D'accord? Donc ça c'est une autre de leurs égarements. Puis aussi une autre de leurs croyances, c'est la négation des attributs d'Allah. Hein? Ils nient les attributs d'Allah. Hein? Et aussi, qu'est-ce qu'on retrouve chez eux, c'est le fait qu'ils croient que si un dirigeant musulman commet un grand péché, il est obligatoire de faire une révolte contre lui ou de l'enlever du pouvoir et de le remplacer par quelqu'un d'autre, même si son péché n'a pas atteint le degré de kufr akbar ou de shirk akbar, et que c'est, même si ce n'est pas un kufr clair. Et ils considèrent que de faire ça, de se rebeller contre un dirigeant injuste ou pécheur, ils pensent que ça fait partie de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Donc c'est comme ça qu'ils l'interprètent. Et donc ça, chacun de ces points-là sont des points dans lesquels ils ont contredit le manhaj et la aqida des salaf al-salih et de Ahl al-Sunnati wal-Jama'at. Donc ça c'est, par exemple, ça c'est les Mu'tazila. Et les Mu'tazila, ils ont fait beaucoup de désordre dans la Ummah. Souvent, à l'origine de ces innovations-là, souvent c'était la philosophie. et les livres qui ont été traduits des Grecs et des Syriaques, des livres de philosophie, et même des philosophies autres que les Grecs, des philosophies des Hindous et des autres croyances religieuses qu'ils traduisaient en arabe. Et les Mu'tazila ont pris ces livres-là, ils les ont étudiés et ils ont commencé à essayer d'interpréter le Coran et la Sunna selon ces livres-là et selon ces philosophies-là. Et ils ont créé donc plein de sectes et plein d'égarements à cause de ça. Et à un certain moment donné, même qu'ils ont réussi à se rapprocher du Khalifa, puis à lui faire accepter certaines de leurs croyances, justement. Et à cause de ça, le Khalifa l'a imposé à toute la Umma, en fait, à cette époque-là. C'était le Khalifa qu'on appelle Al-Ma'moun. Al-Ma'moun, donc, il fait partie de ceux qui ont été influencés par cette Aqida des Mu'tazila. Puis, il avait même fait imposer à tous les imams, les juges, les shuyukh, les ulama, de prôner cette croyance et d'adhérer à cette secte. Et de dire que le Coran est créé. Hein. Et celui qui refusait de l'affirmer, eh bien, automatiquement, il était expulsé de son travail, de son poste d'imam ou de juge, et il était battu, torturé et même parfois tué. Et parmi les imams qui ont résisté à cette fitna à l'époque de Al-Ma'moun, c'était l'imam Ahmad ibn Hanbal. Hein, il a refusé de dire cette parole et de croire, d'affirmer leur parole, et il a été torturé pour ça pendant des années, même jusqu'à ce que ce khalif Al-Ma'moun meure. Celui qui l'a succédé par la suite a prôné les mêmes idées encore, Al-Mu'tasim. Et lui aussi faisait partie des khulafas qui étaient Mu'tazili. Et ensuite, après, il est mort, Al-Mu'tasim aussi. Et l'imam Ahmed continuait d'être encore torturé. Il est mort et l'autre qui l'a succédé, lui aussi encore était sur la aqida des Mu'tazila. C'était Al-Wathiq. Et c'est uniquement après la mort de Al-Wathiq que un autre khalifa est venu qui s'appelait Al-Mutawakkil, et c'est lui finalement qui a levé disons l'inquisition, si on veut, qui a fait lever ça, puis qui a remis les ulama d'Ahl-Sunnah à leur place et qui a libéré l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui lui a donné les honneurs qu'il méritait. Et qui a donné donc, comme on dit, la force et la puissance et le respect aux imams du hadith et de Ahl-Sunnah. Donc ça, c'est un peu quelques points par rapport à l'histoire qui sont arrivés, qui ont fait que justement il y a eu la propagation des idées et des croyances des Mu'tazila. Hein. Et parmi les idées, par exemple, et les croyances des Mu'tazila, c'est qu'ils nient, entre autres, il nie toutes les attributs, mais entre autres l'attribut, par exemple, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône. Et eux, ils prétendent que Dieu est partout. Hein. Ils disent Dieu est partout. Ou bien ils disent parfois que Dieu, en fait, certains d'entre eux vont dire il est partout, et d'autres vont dire qu'il est nulle part. Allah musta'an. Comme certains d'entre eux qui disent ce genre de paroles. Ils disent il n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur du monde, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas en avant, il n'est pas en arrière. Hein? Et les ulama d'Ahl-Sunnah ont dit à propos de cette parole, ils ont dit si on veut définir le néant, on ne peut pas trouver une meilleure description que celle-là. Et c'est pour ça qu'ils ont dit que les gens qui ont cette aqidah-là, c'est des gens en fait qui nient l'existence même d'Allah. Hein? Et quand on regarde les textes de la révélation, eh bien, on trouve que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'il est au-dessus de sa création. Il vit Ar-Rahman ou Al-Arsh istawa, thumma istawa Al-Arsh. Hein? Donc ça, c'est, il y a 7 versets où il mentionne qu'il s'est élevé au-dessus de son trône. Hein? D'une manière qui lui convient, Et comme il dit dans le Coran, laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami' al-basir. Il n'y a rien qui lui ressemble, il est l'audient et le voyant. Donc, on affirme les attributs qu'il s'est affirmés sans toutefois faire de ressemblance entre lui et sa création. Hein? Ça, ça fait partie des exemples de ces problèmes-là. Est apparue par la suite une autre bid'a, c'est la bid'a des Asha'ira, qui est venue après. Et à l'origine, le cheikh il explique ici, il dit hum firqa assasaha Abu al-Hasan al-Ash'ari fi awwal amrih ba'd ikhtilafih ma' al-Mu'tazila ghayr annahu raja'a ila madhhab as-salaf wa masdar at-talaqqi 'indahum al-'aql wa yatlub wa yubtiluna ba'd as-sifat wa yu'awwiluna ba'daha. Donc al-Ash'ari, à l'origine ou à la base, celui qui l'a fondé, cette secte, c'est Abu al-Hasan al-Ash'ari. Abu al-Hasan al-Ash'ari, qui est né, si je ne me trompe pas, en l'an 260, après la Hijra. 260-270. Donc il est né après la mort des grands imams de l'islam, après la mort de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Hein. Et il est resté pendant 40 ans de sa vie sur la secte des Mu'tazila. Pendant 40 ans, il était Mu'tazili. Et il a grandi dans la maison d'une des têtes de la secte des Mu'tazila. Parce que sa mère avait épousé Al-Jubba'i, qui était un des chefs, disons, des plus grosses têtes de cette secte. Et donc, il a grandi sur cette aqidah-là. Il était dans cette secte presque toute sa vie, c'est-à-dire la négation des attributs, la négation de la prédestination, et ainsi de suite. Puis, à un moment donné, il a commencé à remettre en question certaines des croyances des Mu'tazila. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est désavoué des Mu'tazila. Il a quitté cette secte-là, puis il a en fait formé sa propre secte, sa propre croyance à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a pris certaines croyances des Mu'tazila, et certaines de leurs méthodes, il a mélangé avec certaines méthodes, hein, des gens de la Sunna. Il a suivi la voie de qu'est-ce qu'on appelle Ahlul Kalam, les gens qui suivent une sorte de philosophie, ils essaient d'affirmer les attributs d'Allah ou bien certains attributs d'Allah et certains aspects de la croyance, mais uniquement en se basant sur la logique et sur ce qui est soi-disant rationnel, selon les philosophies. Des philosophes. Le problème, c'est que, à cause de ce manhaj qu'ils ont inventé, ils ont rejeté plusieurs attributs, la plupart des attributs en fait. Ils n'ont affirmé que 7. Les autres, ils les rejettent. Et également, ils ont des problèmes dans plusieurs autres aspects de la foi, comme dans la foi, dans Al-Iman, la définition de Al-Iman. Ils se limitent à dire que Al-Iman ou Al-Tasdiq. Ils disent que la foi, c'est le fait de juste dire, de croire dans notre cœur seulement, que la parole et les actions ne font pas partie de la foi. Et ça, c'est une des branches des Mu'tazila, une des aspects des Mu'tazila, des Murji'a. Donc ça, c'est la aqidah des Murji'a dans la foi. Ce qui exclut les actions de la foi. Et ça, c'est une grosse bid'ah aussi. Ils ont aussi des problèmes dans le tawhid et dans la définition du tawhid, hein, puisque pour eux le tawhid se limite uniquement à une catégorie de tawhid, c'est-à-dire tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah dans sa souveraineté. Et pour eux tawhid al-asma wa sifat, ça n'existe pas puisqu'ils nient les attributs. Et les attributs qu'ils ne nient pas, ils les déforment dans leur sens. Et en ce qui concerne Tawhidul Asma wa Sifat, c'est la même chose, ils le nient. Puis Tawhidul Ibada, pour eux, eh bien non plus ça n'existe pas, puisque beaucoup d'entre eux considèrent que le fait d'adorer des saints ou de prier à des saints et de chercher de l'intercession et de les appeler au secours et des choses de ce genre, ils considèrent que ça c'est pas du shirk pour eux. Tant que tu reconnais que Dieu est le créateur, c'est pas grave. Hein? Ou à la limite, ils vont dire que c'est un péché, mais ils vont pas dire que c'est shirk. Hein? Et la plupart des écoles ou des universités dans les pays musulmans, que ce soit les pays arabes ou non arabes aujourd'hui, suivent cette secte, la croyance de cette secte. Parce qu'elle s'est répandue dans divers pays du monde pour des raisons politiques à certains moments de l'histoire. Ok, vers, disons, après la mort d'Abul Hassan al-Ash'ari. Puisque avant sa mort, Abul Hassan al-Ash'ari, il a quitté cette idée qu'il avait inventée lui-même et il est revenu à la aqidah des salafs et il a affirmé cette aqidah avant de mourir. Il a écrit des livres qui supportent ce point-là. Parmi les livres qu'il a écrits à ce sujet-là, il y a le livre qu'on appelle Al-Ibana, fi Usul al-Diyana, qui est un livre qui est publié, qui existe maintenant. Et il y a un autre livre qu'il a écrit aussi, dans lequel il affirme la aqidah des salafs, c'est un livre qui s'appelle Maqalat al-Islamiyin, dans lequel il affirme les attributs d'Allah, et ainsi de suite. Et donc ces deux livres-là, c'est les livres qu'il a écrits avant de mourir, et il a affirmé la aqidah des salafs dedans. Toutefois, la plupart des gens qui ont suivi Abul Hassan al-Ash'ari aujourd'hui n'ont pas suivi sa dernière position. Ils sont restés sur sa période, sur sa aqidah lorsqu'il était dans la période entre les deux, c'est-à-dire sa période intermédiaire. C'est pour ça que dans les écoles qu'on trouve dans les pays musulmans aujourd'hui qui enseignent la aqidah, souvent c'est la aqidah de Al-Ash'ariya qui mériterait plus d'être appelé en fait Al-Kullabiya, parce que c'était la aqidah des gens de Kalam. Et Abul Hassan Al-Ash'ari s'est désavoué de cette aqidah-là avant de mourir. Donc c'était plus sa croyance à lui. On dit maintenant de lui que c'est un savant parmi les ulama des salafs, hein. Sauf que les gens qui le suivent aujourd'hui prétendent le suivre, mais ils ne le suivent pas réellement, puisque lui-même s'est désavoué de la aqidah que eux lui attribuent. Et donc, si vous allez par exemple à l'Azhar aujourd'hui, eh bien c'est cette aqidah-là qu'ils enseignent. Ils nient les attributs, ils n'affirment que 7, et le reste des autres idées qu'ils ont sont mélangées à ça. Et vous allez trouver que beaucoup d'entre ceux qui prônent cette aqidah-là ont des tendances soufies. Ils ont des tendances des soufis, parce que beaucoup d'entre ceux qui ont propagé cette aqidah avaient justement été influencés par différentes écoles ou différentes tendances soufis à eux aussi. Et donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais bon, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Donc ça, c'est une autre secte aussi, et eux se prétendent faire partie des, ils prétendent être Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Quand ils parlent d'eux-mêmes dans les livres, dans leurs livres et tout, et quand ils se présentent, ils disent nous sommes Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Pour eux, ce sont eux Ahlus Sunnah wal Jama'ah. D'accord? Et c'est pour ça que c'est bien de se distinguer d'eux en disant que nous sommes des salafis, justement pour faire une séparation entre ces gens-là qui se prétendent être parmi les gens de la sunna, alors qu'ils ne sont pas sur la sunna, sont dans la bid'ah, et ceux qui suivent réellement la aqidah des salaf salih, parce que eux ne peuvent pas se dire salafis, puisque les salafs ne font pas leur aqidah, et même eux le reconnaissent, c'est-à-dire eux dans leur propre livre reconnaissent que la aqidah des salafs ce n'est pas leur aqidah à eux actuellement, même s'ils essaient parfois de déformer la réalité de la aqidah des salafs et de déformer leurs citations et leurs paroles. Mais sinon, quand on regarde leurs paroles, c'est clair que la aqidah qu'ils ont eux est en opposition avec la aqidah des salafs, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se dire salafi. Et salafi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça vient du mot en arabe salaf, qui veut dire ceux qui ont précédé, ceux qui sont venus avant nous. Et quand on parle d'eux dans l'islam, sur le plan religieux, ça veut dire les sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'un, ceux qui ont étudié avec les sahaba, et les tabi'in. En premier lieu, c'est de eux qu'on parle quand on parle des salafs. Puis, par la suite, ceux qui ont suivi ceux-là dans leur croyance et dans leur pratique et dans leur compréhension de la religion, jusqu'à la fin des temps, on dit, ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, ou bi ihsan, ils sont eux aussi sur la voie des salafs. D'accord? Et donc, il faut donc, c'est très important donc de mentionner hein, qu'on est sur la voie des salafs et qu'on suit les salafs, et donc qu'on est salafi, pour justement faire une distinction entre ces gens de bid'a qui se prétendent être sur la sunna alors qu'ils ne le sont pas. Hein, et c'est souvent c'est à cause de ça que les gens ne savent plus qu'est-ce que ça veut dire être un sunni. Puisque tout le monde maintenant, même les gens qui font partie de sectes de bid'a, ils se prétendent être sunnites et d'être sur la sunna, alors qu'en réalité ils suivent des différentes bid'a. Le cheikh il n'a pas mentionné tous les exemples de bid'a, il y en a beaucoup d'autres encore. Il y a la bid'a des khawarij par exemple qu'il n'a pas cité, mais qui est une parmi les bid'a les plus répandues, même à notre époque, qui est apparue à l'époque, hein, même des sahaba. Et le premier d'entre les khawarij qui est arrivé à l'époque même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'on appelle Dhul Khuwaysira, qui faisait partie des munafiqin, hein, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam distribuait le butin, un homme est venu et il a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô Muhammad, sois juste parce que tu n'as pas été juste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, malheur à toi. Et qui sera juste si moi je ne suis pas juste, hein? Et lui a dit, il a dit au sahaba en pointant cet homme, il a dit, sayakhruju min dhihada qawmun. Il a dit, de cet homme, vous allez voir apparaître ou sortir des gens, vous mépriserez votre prière par rapport à leur prière, et votre jeûne par rapport à leur jeûne. Et ils réciteront le Coran et il ne dépassera pas leur gorge. Et ils sortiront de l'islam comme une flèche traverse sa cible. Hein? Et il a mentionné beaucoup de choses à leur sujet pour mettre en garde contre eux. Hein? Et il a ordonné même de les combattre lorsqu'ils allaient sortir. Et c'est les gens aujourd'hui, parmi les gens qui font le takfir des musulmans et des dirigeants musulmans, pour des péchés qu'ils font, et qui les considèrent, hein, kuffar, et qui appellent à se révolter et à se rebeller contre les dirigeants musulmans dans les pays musulmans, et qui appellent à des manifestations et à des rébellions et à des coups d'État et à des choses de ce genre. Tous ces gens-là font partie des gens qui suivent la tendance de la secte des Khawarij et de ce groupe de bid'ah, parmi la bid'ah des Khawarij. Et c'est une des plus dangereuses parmi les sectes. Les Sahaba les ont combattus. Ali radiallahu anhu les a combattus. Parce que c'est des gens qui font le désordre sur la terre. Ils ont tué Uthman ibn Affan. Et ils ont assassiné Ali, radiallahu anhu. Et ils ont combattu les Sahaba en pensant qu'ils faisaient le djihad contre les Sahaba. Et ils pensaient qu'en les tuant, ils allaient se rapprocher d'Allah et entrer au paradis, en égorgeant les Sahaba. Ils pensaient qu'ils comprenaient mieux l'islam que les Sahaba. Et aujourd'hui, tu as plein de jeunes comme ça qui pensent qu'ils comprennent mieux l'islam que les ulamas. Et qui font le takfir des dirigeants et des ulamas. Et qui disent que les ulamas sont des munafiqines. Et des agents qui travaillent pour les gouvernements. Et même certains d'entre eux sont même allés jusqu'à dire que Cheikh Al-Albani et Cheikh Ibn Baz travaillent pour le Mossad. Et pour d'autres paroles d'égarement comme ces paroles-là. Et combien de fois on a entendu ces paroles de la bouche de certains jeunes ignorants et égarés? Hein? Parce qu'ils ne connaissent pas l'aqida des salafs, puis ils ne connaissent pas le manhaj des salafs, eh bien ils sortent avec ce genre, hein, d'ineptie, de paroles complètement ridicules et stupides. Nasallahu alayhi wa sallam. Et yani, le cheikh, après avoir parlé de ces bid'a-là, qui sont parmi les premières bid'a, parce que le prophète sallam a dit que les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et les musulmans, il a dit, ma umma va se diviser en 73 sectes. Et qu'elles seront toutes en enfer excepté une. Et quand on a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, laquelle est-ce au messager d'Allah, il a dit, celle qui suit ce que je suis moi-même aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Et dans une autre narration, il a dit, c'est la jama'a. C'est-à-dire le groupe qui va être au paradis, c'est al-jama'a. Et la jama'a, quand on parle de la jama'a, on parle des sahaba, on parle des tabi'in, on parle des tabi'in et ceux qui les ont suivis. Donc, on parle, hein, on parle toujours des salafs. Et la même chose au sujet du hadith du groupe victorieux, quand il a dit qu'il y a un groupe de ma umma qui va toujours rester sur la vérité victorieux, ceux qui s'opposent à eux et ceux qui les, hein, ceux qui les abandonnent ne leur feront aucun tort, jusqu'à ce que vienne le commandement d'Allah et ils seront encore sur ceci. C'est-à-dire ils vont rester sur la vérité jusqu'à la fin des temps. Donc il y a ce groupe-là qui est le groupe victorieux et qui est le groupe sauvé. C'est le même groupe. Et les salafs, c'est le même groupe. Et ce sont donc, comme j'ai dit, ce sont les sahaba et les tabi'in et les imams d'Ahl Sunnah et les imams du hadith et ainsi de suite. Hein? Et donc, il y a d'autres sectes qui sont apparues, pas seulement celles que le cheikh a mentionnées, d'autres sectes sont apparues encore par la suite, et il y en a de plus en plus. Même cheikh Al-Fawzan, il expliquait que ce nombre-là de 72 sectes, c'est juste, hein, c'est un nombre, mais ça ne veut pas dire que ça se limite uniquement à 72, il peut y en avoir plus. Hein. Et qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y en a qu'une qui est sur la vérité. Et les autres sont dans l'égarement. Puisque la vérité, c'est un. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, il a quitté les sahaba alors qu'ils étaient tous unis sur une seule et même aqida. Ils n'avaient pas de bid'a, ils n'avaient pas de division, ils n'avaient pas de croyances différentes ou de sectes parmi eux. Ils étaient tous unis sur une seule et même aqida. Et même s'ils divergeaient dans certaines divergences de fiqh et d'ijtihad, mais dans l'aqida et dans les fondements de la religion, ils étaient tous d'accord et tous unis. Hein? Et les innovations sont venues par la suite, de la part des gens qui sont venus après, hein, et qui ont essayé de diviser cette religion et de détruire cette religion, parfois de l'intérieur, parfois de l'extérieur. D'accord? Et donc, une autre clarification importante aussi à propos de ce hadith des 72 sectes, c'est que certains des ulama ont mentionné, comme on en a parlé au cours précédent, dans le cours précédent, c'est que certaines de ces sectes, dans leurs croyances, ils ont des aspects ou des éléments qui sont des formes de kufr majeurs qui les font sortir de l'islam. D'autres, c'est seulement des innovations qui ne font pas sortir de l'islam. Toutefois, on dit au sujet de ces sectes-là qu'elles sont sous la menace. Ça ne veut pas dire que quand on dit qu'elles seront dans l'enfer, les 72 sectes, ça ne veut pas dire qu'elles seront toutes éternellement dans l'enfer. Mais elles font partie des gens qui sont sous la menace. Ça veut dire que s'ils n'ont pas fait de kufr majeur ou de shirk majeur et que Allah les fait rentrer dans l'enfer, ça veut dire tant qu'ils n'ont pas quitté l'islam, ils vont toujours sortir un moment donné. Sauf que c'est Allah seul qui sait combien de temps ils vont demeurer dans l'enfer. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous en dehors de l'islam comme certains parfois se l'imaginent. L'important, c'est qu'il faut comprendre que ce sont des gens qui sont dans l'égarement, puisqu'ils ont ramené des innovations dans la religion. Maintenant, le cheikh, il va parler de certaines bid'a qui sont apparues plus à notre époque, dans les époques modernes. Différents groupes, organisations et sectes qui n'existaient peut-être pas à l'époque des salafs, mais qui sont apparues plus tard. Et le cheikh, il va comme clarifier un petit peu à propos de ces questions-là. Donc il dit وأما أهل الحزبيات والتنظيمات السرية على اختلاف جماعاتهم التي قد تعددت وتنوعت مشاربها هؤلاء كلهم أهل بدع إذا تسلطوا على طالب علم أتوه من ناحية المحبة والأخوة ونصرة الإسلام وما شاكل ذلك واستمالوه حتى يتمكنوا منه وبعد ذلك يعطوه من تعليماتهم المنحرفة شيئا فشيئا حتى يصبح فردا من أفرادهم وجنديا من جنودهم على غير منهج مستقيم، وإنما على البدع والتضليل وإثارة الفتن، وهذا موجود في صفوف الحزبيين على اختلاف أنواعهم، والحركيين على اختلاف مسمياتهم. Donc le cheikh il explique qu'il y a également parmi les groupes de bid'a les hizbiyat, les différents groupes et les différents partis qui sont apparus à notre époque ou un peu avant notre époque, qui sont aussi parfois des organisations secrètes, des groupes d'organisations secrètes. C'est-à-dire que parmi ces organisations-là, il y en a qui sont ouvertes, déclarées, qui appellent à leur bid'ah. Tandis qu'il y en a d'autres organisations et d'autres de ces groupes, mais ils sont secrets, c'est des organisations secrètes. Et ils n'appellent pas tout le monde. Ils ciblent certaines personnes en particulier pour entrer avec eux. Mais ils ne demandent pas à tout le monde. Ils cherchent certaines personnes qui ont certaines caractéristiques. Et de l'extérieur, quand tu les regardes, tu ne peux pas savoir si c'est un groupe ou une organisation. Mais eux, ils le savent, entre eux. Et ils se donnent des serments d'allégeance, parce qu'ils ont un chef, un amir, qu'ils ont choisi, et auquel ils donnent une bay'a, ils donnent une allégeance. Et ils lui obéissent, comme si c'était le khalifa, hein, un dirigeant, l'homme star. Et le nombre de ces groupes-là, et de ces sectes-là, et de ces organisations-là, sont très nombreux. Et ils ont toutes des tendances et des croyances différentes. Et ils sont tous des gens ou des groupes de bid'a. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent, quand ils trouvent un talib ilm, un étudiant qui étudie l'islam, quelqu'un qui est intéressé à la science de la religion, ils s'approchent de lui. Quand ils trouvent des jeunes qui pratiquent la religion, ils s'approchent de ces jeunes-là. Et ils ne viennent pas vers lui directement pour leur dire « Rentrez dans notre groupe, devenez un de nos membres. » Comme par exemple les Ikhwan al-Muslimoun, ce qu'on appelle les frères musulmans. Ils ne vont pas venir chez quelqu'un pour dire « Deviens un membre de du groupe des frères musulmans, on va te donner ta carte de membre. Donne-nous l'allégeance, on va te présenter à notre amir et puis tu vas devenir un Ikhwani. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. La plupart du temps même, les Ikhwan, ils vont même pas se dire Ikhwani. Et leurs organisations qui existent ici en France, que ce soit en Belgique, ou que ce soit en Espagne, ou en Italie, ou ailleurs, dans les pays européens, même au Canada, puis aux États-Unis, eh bien, ils portent pas le nom ou le titre frère musulman. Ils s'appellent pas Ikhwan. Ils ont d'autres noms. Et ils se cachent derrière ces organisations-là et ces noms-là, mais en réalité, ce sont des frères musulmans, ce sont des Ikhwan. Comme l'UOIF, eh bien, à la base, ce sont des gens qui sont sur ce manhaj-là. Et tu vas les reconnaître comment? Tu vas les reconnaître par les personnes à qui ils retournent et qu'ils prennent comme référence pour leur religion. C'est qui leur prêcheur? C'est qui leur personnage qu'ils considèrent comme étant des savants pour eux. C'est comme ça que tu les reconnais. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Au Canada, on a d'autres groupes. Hein? On a comme ISNA, ICNA, il y a plein d'autres encore. Hein? Des associations étudiantes, beaucoup dans les universités, souvent c'est les Ikhwan qui sont derrière aux États-Unis et au Canada. Et ils ont tous des noms différents, mais en même temps, ce sont des Ikhwan. Et à Montréal, il y a des mosquées comme ça. Chaque mosquée, ils ont tous des noms différents, mais en réalité, ils sont tous ensemble, parce qu'ils sont tous sur la même méthodologie, et les mêmes idéologies, et le même manhaj. Donc, ils viennent vers toi en parlant d'amour, de fraternité, en essayant de se rapprocher de toi, en parlant de vouloir défendre l'islam, de cette façon-là. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parfois, ils vont essayer de rapprocher les jeunes en les invitant à des activités, à du sport, des activités sportives, invités pour manger de la nourriture, faire un comme ils appellent, un barbecue, hein, ou bien des choses. C'est ça ce qu'ils font au Canada. Aller faire une sortie quelque part, des trucs comme ça. Pas au nom de la religion, mais juste pour dire on est des frères, on fait des activités pour sentir la fraternité et l'islam et tout ça. Et c'est comme ça qu'ils les rapprochent. Et ils attirent les jeunes de cette manière-là, jusqu'à ce qu'ils arrivent à gagner la confiance des jeunes. Une fois qu'ils arrivent à gagner leur confiance, petit à petit, ils leur donnent leurs enseignements, qui sont des enseignements de déviation, hein, graduellement, jusqu'à ce que cette personne devienne un de leurs membres. Et ils vont, parfois, ils vont même pas leur enseigner leurs enseignements de façon directe. Ils vont leur enseigner leurs enseignements juste par suggestion. Hein? Ou bien ils vont simuler un débat entre deux d'entre eux, ils vont parler d'un sujet, ou trois d'entre eux, ils parlent entre eux, et ils savent que ce nouveau-là, il n'est pas au courant de leurs idées ou de leurs croyances. Donc, ils vont faire comme s'ils discutent entre eux, puis ils échangent des idées. Puis, ils vont essayer de faire rentrer cette personne-là dans cette discussion-là, puis de le convaincre de leurs idées indirectement. Donc la personne à la fin devient un d'entre eux, sans même réaliser qu'elle est devenue un d'entre eux. C'est comme ça qu'ils appellent au takfir, qu'ils appellent à toutes sortes d'autres idées, et les jeunes qui rentrent là-dedans, qui n'ont pas de connaissance de la sunna et de la salafia, ils se laissent facilement prendre dans ce genre de piège, et ils deviennent un de leurs membres, un soldat dans leur armée, qui est sur une voie qui est qui n'est pas droite. Et ils ne font donc que suivre des innovations et des égarements et d'essayer de faire des fitnes, d'appeler à la fitna. Et ça, c'est présent donc dans les rangs de ceux qu'on appelle les hizbiyin et al-hizbiyya ou bien les hizbiyin. Quand on parle des gens qui sont sur la hizbiyya, on parle des gens qui se sont réunis ensemble, hein, sur des principes et des pratiques ou des principes ou des idées ou des croyances, mais qui opposent un ou plusieurs d'entre les fondements de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Donc si des gens se sont unis sur des principes ou des croyances ou des choses qui sont en opposition avec un ou plusieurs des principes et des fondements de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah et des Salaf al-Salih, on va dire de ces gens-là qu'ils sont des Hizbiyin. Et ils s'unissent sur des choses qui contredisent la sunna et ils vont faire al-wala ou al-bara sur ces choses-là. C'est-à-dire, ils vont s'allier ou se désavouer des gens sur ces choses-là qu'ils ont ramenées, qui sont en contradiction avec la sunna. Si tu es d'accord avec eux sur ces choses-là, tu es leur allié, ils t'aiment, ils te rapprochent. Si tu es en désaccord avec eux sur ces fondements-là, ils vont te rejeter, ils vont t'écarter, et ils vont te détester. Hein? Donc si tu es un vrai salafi, ces gens-là, ils te détestent. Et si tu es un prêcheur à la salafia, et que tu appelles à l'aqidah des salaf et à leur manhaj, et que tu mets en garde contre eux, et que tu dévoiles leurs fausses croyances et leurs fausses pratiques, eh bien, tu es ennemi numéro un sur leur liste. Et ils vont tout faire pour salir ta réputation et faire en sorte de faire fuir les gens de toi et mentir sur toi et dire n'importe tout faire pour que les gens viennent pas t'entendre ou t'écouter. Et ils le font pas seulement avec les prêcheurs ou les toulab el, ils le font déjà même avec les ulama qu'ils dénigrent et qu'ils insultent et qu'ils décrivent avec des sobriquets et qui se moquent d'eux pour faire en sorte que les jeunes ne retournent plus aux ulama et pour faire en sorte qu'ils retournent vers eux et qu'ils prennent ces gens-là comme des références au lieu des ulama. Hein? Donc ça fait partie de leur méthode. Peu importe le nom qu'ils se donnent, peu importe la façon qu'ils se présentent, ça c'est la réalité. Le cheikh il dit ensuite wa min huna wajaba an-nush li talabat al-ilm an yahdharu ahl al-bid'ah وأن يجتنبوا مجالسهم وإن ألانوا لهم الكلام وبذلوا لهم من المعروف شيئا كثيرا فإن منهج السلف وعقيدة السلف التي تتجلى في فهم الإسلام والإيمان والإحسان فهما صحيحا لا يجوز للإسلام أن يتاجر بها أو أن يجامل بها. فعقيدتك الصحيحة ومنهجك الحق هما رأس مالك، وأجل ومن أجلهما خلقت، وفي سبيلهما تجاهد بكلمة الحق وبالقلم، وتذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء النقية التي دنسها أهل البدع على اختلاف بدعهم، سواء من أهل النحل القديمة أو من أهل البدع المعاصرة. Il dit donc, à partir de ce moment, il est obligatoire de donner le bon conseil, النصح, النصيحة, aux طلاب العلم, pour les mettre en garde contre les gens de bid'a. Celui qui ne met pas en garde contre les gens de bid'a, il n'est pas sincère envers les musulmans, il n'est pas sincère envers ses frères. Hein? C'est comme si quelqu'un voit un puits qui est empoisonné au milieu de la ville, et il sait que tout le monde dans cette ville vient s'abreuver dans ce puits-là qui est empoisonné, et toi tu es au courant et tu ne dis pas un mot. Tu laisses les gens venir boire tous les jours de ce poison-là, alors que tu sais. Donc ce silence-là, il n'est pas excusable. Celui qui agit de cette manière-là, il est, hein, il est un criminel en fait. Hein? Donc il faut mettre en garde contre les jeunes bid'ah et s'écarter de leurs assemblées. Hein? Tous ceux qui appellent à des bid'ah, à des superstitions, à des fausses croyances, à des fausses pratiques, à des choses qui opposent la sunna, il faut mettre en garde nos frères. Et ça, c'est pas le riba. Il y en a qui vont penser que ça fait partie de parler dans le dos ou de faire de la médisance. Non. Ça, c'est pour protéger la croyance et la aqida de tes frères. Et si tu fais pas ça, le tort et le mal qui va en découler, c'est un mal plus grand. Et c'est pour ça que l'imam al-Nawawi, hein, rahimahullah, il a écrit un livre qui s'appelle Riyad al-Salihin. Et je ne pense pas qu'il y a un musulman aujourd'hui qui ignore ou qui ne connaît pas le livre Riyad al-Salihin, c'est impossible. Toutefois, hein, dans ce livre-là, le chapitre 256, c'est un chapitre qui s'intitule Babu ma yubahu min al-riba, c'est-à-dire le chapitre qu'est-ce qui a été permis de la médisance. Qu'est-ce qui a été permis de la médisance. Et dans ce chapitre, l'imam al-Nawawi, il explique qu'il y a dans certains cas dans la religion, quand c'est pour donner le bon conseil, pour mettre en garde tes frères, hein, pour préserver tes frères de la fitna, de la bid'a, de l'égarement ou des choses qui sont mauvaises, tu as le droit de parler dans le dos de quelqu'un pour avertir contre un mal ou un danger. Et ça, c'est permis dans les affaires même de la dunya. Alors, si c'est dans les affaires de la religion, c'est encore plus obligatoire. C'est, non seulement que c'est permis, mais ça devient même obligatoire. Comme par exemple, quelqu'un vient demander ta sœur en mariage. Toi, tu ne connais pas cette personne. Et en apparence, il est correct. Mais tu as d'autres personnes dans la communauté qui connaissent très bien cette personne et qui savent que cette personne, elle n'est pas bonne. Mais lui, il voit cette personne qui demande ta sœur en mariage et il se tait. Il ne vient pas te donner le conseil. Et il ne vient pas t'avertir au sujet de qu'est-ce qu'il sait de cette personne. Qu'est-ce que tu vas dire à propos de cette personne-là? Est-ce que tu vas dire qu'il est sincère? Est-ce que tu vas dire qu'il a agi correctement? Non. C'est un traître. Parce qu'il sait quelque chose qui est important et il le cache. Ou bien quelqu'un, c'est une personne qui vient te demander de faire affaire avec lui, d'ouvrir un commerce ou d'investir de l'argent dans un projet. Et la personne en apparence, elle est honnête. Mais toi, tu sais que ce gars-là, c'est un voleur, un tricheur, quelqu'un qui prend l'argent des gens et il le remet jamais. Donc, tu vas, hein, si tu vas pas voir le frère pour le mettre en garde, ça c'est quoi? C'est de la trahison. Et on est en train de parler de quoi? On est en train de parler des questions, des choses qui ont rapport avec la dunya. Des questions de dunya. Donc, ça c'est, hein, dans ces questions-là, dans ces situations-là, c'est nécessaire et obligatoire que tu mettes en garde. Alors que dire de qu'est-ce qui a rapport avec ta religion? Qu'est-ce qui a rapport avec ton au-delà? Ton paradis ou ton enfer? Hein? Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Donc, tu vas te taire alors que tu sais qu'il y a un individu qui est en train d'appeler à des égarements, à des bidats, à de la sorcellerie peut-être même, ou à d'autres croyances qui sont complètement en opposition avec la aqidah des salafs, contraire au Coran et à la sunna. Et toi, tu restes là et tu dis rien. Et tu dis, je ne veux pas faire de la médisance. A'ouzoubillah. Hein? En te taisant, tu ressembles plus au shaitan qu'à autre chose. Même que tu es plus dangereux même qu'un shaitan. Tu es obligé de parler dans des situations comme ça. Tu es obligé de mettre en garde tes frères contre quelque chose de ce genre parce que c'est très grave, très dangereux, très sérieux. Les conséquences sont plus graves que des conséquences d'un problème que tu peux avoir avec quelqu'un dans la dunya. Hein? Donc ça c'est très important, ça fait pas par, il faut pas se laisser tromper par ceux qui vont te dire non, il faut pas faire la médisance, il faut pas qu'on se critique, il faut pas qu'on fasse ci ou qu'on fasse ça. Ça c'est nécessaire. Ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ça fait partie du jihad fi sabilillah. Hein, et on a demandé à l'imam Ahmed, qu'est-ce qui est mieux? De faire le jeûne, de faire la prière la nuit, ou bien de répondre aux jeunes bid'a et de parler sur les jeunes bid'a. L'imam Ahmad il a dit, si tu pries et tu jeûnes, c'est pour toi-même. Mais si tu avertis contre les jeunes bid'a, c'est un bien qui revient à tous les musulmans. Parce qu'ils vont être préservés dans leur croyance et dans leur religion. Et il a considéré ça comme faisant partie du jihad fi sabilillah. Donc il a dit, celui qui répond au mubtadi', il est un mujahid. Hein? Donc ça c'est très important, même que c'est mieux que le djihad contre les koufars avec les, hein, sur le terrain de, quand il y a un combat entre les musulmans et les mushrikines, hein, entre l'armée des musulmans et l'armée des mushrikines, c'est mieux encore, parce que le djihad armé contre les mushrikines, quand il y a un pays musulman avec un dirigeant et que ce dirigeant là appelle les musulmans à combattre les mushrikines, tout le monde peut le faire. Le pieux et le pervers. Le musulman qui est pieux peut combattre les mushrikines, et le musulman qui fait des péchés, lui aussi il peut combattre les mushrikines. Tandis que celui qui réfute les gens de bid'ah, c'est seulement les ulama qui sont capables. Et celui qui réfute les munafiqins, c'est seulement les ulama qui sont capables de le faire. Les ignorants ne peuvent pas le faire. Tandis que le djihad contre les mushrikines, même si quelqu'un n'est pas un savant, il est capable de le faire. Même s'il commet certains péchés, qu'il n'est pas parmi les pieux, il est capable de le faire aussi. Hein? Donc ça, c'est des points importants. Donc, comme je disais, il est donc à partir de ce moment-là, c'est obligatoire de donner le conseil aux étudiants en sciences, de les mettre en garde contre les gens de bid'a, de ne pas s'asseoir avec eux, de ne pas les fréquenter, hein? Même s'ils te parlent avec douceur. Même s'ils viennent te parler avec douceur, hein, même s'ils te font un bien quelconque, hein, tu t'écartes d'eux. Parce que le manhaj des salafs et la aqidah des salafs qui se manifestent dans la compréhension de l'islam, de la compréhension de l'iman, de la foi, et de la compréhension de l'ihsan, c'est-à-dire le perfectionnement de la foi, d'une compréhension qui est correcte, eh bien, cette religion-là, cette compréhension-là, le musulman, il n'a pas le droit de commercer avec ça. Il n'a pas le droit de commercer avec ça. Ou de faire, hein, d'agir avec les gens selon, hein, ou par politesse, ou par gentillesse avec les gens, de vouloir faire plaisir aux gens dans ces questions-là. Tu n'as pas le droit. Ta aqida, qui est la aqida sahiha, et ton manhaj, qui est le manhaj de vérité, ça c'est ton capital. C'est ce que tu possèdes de plus précieux. Et c'est pour ça que tu as été créé. Et c'est dans ce chemin-là que tu dois lutter. Hein, avec la parole de vérité, pour défendre la vérité, et avec la plume. Tu défends la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette sunna qui est blanche, éclatante et pure. Hein, et tu la défends et tu la protèges contre les impuretés des gens de bid'ah, avec les diverses bid'ah qu'ils ont, peu importe de quelle tendance qu'ils soient, peu importe que ce soit des bid'ah anciennes ou des gens de bid'ah parmi les groupes et les sectes contemporains. Cheikh il dit ensuite وَلِذَا نَقُولُ فِي حَقِّ الْمُبْتَدِعِ يُحَبُّ بِمَا عِنْدَهُ مِنْ إِسْلَامِ ويبغض ويهجر ويقاطع يقاطع مجلسه ومواصلته حتى يترك بدعته التي يدعو الناس إليها وذلك بحسب المصلحة ودرء المفسدة. Le Cheikh il dit pardon, le Cheikh il dit, c'est pour ça que nous dit, là il résume maintenant qu'est-ce qu'on dit à propos de Al-Wala wal-Bara. Et la position de Al-Wala wal-Bara, qu'est-ce qu'on doit dire par rapport aux gens de bid'a à ce sujet-là? Il dit qu'on doit donc, par rapport, en ce qui concerne le Mubtadi', on doit donc l'aimer pour ce qu'il a d'islam. On aime le Mubtadi' pour ce qu'il a d'islam. Toutefois, on le déteste et on s'écarte de lui et on cesse de s'asseoir avec lui ou d'avoir des contacts avec lui jusqu'à ce qu'il abandonne sa bid'a. Jusqu'à ce qu'il abandonne sa bid'a à laquelle il invite les gens. Et un des exemples de ça, parce qu'il y a des gens qui vont dire, il y en a qui vont dire par exemple, non, akhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu n'as pas le droit de t'écarter de ton frère ou de ne pas lui donner le salam plus que 3 jours. Après 3 jours, là, tu commets un péché. La réponse à ça, c'est que la question des affaires de ne pas remettre le de qu'on n'a pas le droit de ne pas adresser le salam à notre frère plus que 3 jours, ça c'est quand tu as un problème avec ton frère dans quelque chose de la dunya. Il t'a fait quelque chose, tu lui as dit une parole, il t'a dit une parole, et puis vous êtes fâchés, vous êtes en colère l'un l'autre pour ces choses-là. Après 3 jours, vous n'avez plus le droit de cesser de vous adresser la parole ou de ne plus vous parler. Ça, c'est après 3 jours, ça devient haram. Donc, vous devez vous réconcilier. Toutefois, ça, c'est pour les choses qui ont rapport avec les conflits entre deux personnes par rapport à des choses personnelles ou des affaires de la dunya. Mais quand c'est des choses qui ont rapport avec le din, et quand c'est quelque chose qui a rapport avec les questions qui ont rapport avec la bid'a et le manhaj, ça c'est jusqu'à ce que la personne revienne. Et un des exemples et des preuves à ce sujet-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était écarté pendant 40 jours des 3 personnes qui s'étaient abstenues de partir à la bataille de Tabouk, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à tout le monde de partir. Et ces 3-là, ils avaient la capacité et les moyens et la force de partir avec les autres, mais ils sont restés derrière. Pourquoi? Parce que comme ça, ils ont laissé le temps passer, puis finalement ils ne sont pas allés ou des choses de ce genre. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, les gens qui étaient restés derrière, qui n'étaient pas allés avec lui parmi les munafiqins, tout de suite sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont allés pour s'excuser, pour donner des excuses. Même si ce n'est pas des excuses valables, ils sont venus quand même pour s'excuser. Et pour dire, non, on n'était pas allés, on avait telle ou telle excuse, tel prétexte. Mais ces 3 hommes, eux non. Ils sont allés voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ils lui ont dit la vérité. Ils lui ont dit, on n'avait pas d'excuses pour pas y aller. On est resté derrière alors qu'on avait tous les moyens d'y aller. On avait une monture, on était en forme physique, on n'avait pas rien qui nous empêchait et on est resté derrière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous avez dit vrai, dans ce cas-là, attendez la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant 40 jours, les croyants se sont abstenus de leur donner le salam, ou de leur parler, ou de leur adresser la parole, ou quoi que ce soit. Et même leurs propres épouses ne devaient pas leur donner le salam. Et ils ont été éprouvés pendant cette période-là. Hein? Et Ka'b ibn Malik, celui qui raconte le hadith, il dit, j'étais dans la mosquée, je voyais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, moi quand je disais le salam, je ne pouvais pas savoir est-ce qu'il m'a répondu ou est-ce qu'il ne m'a pas répondu. Je voyais si, hein, que ses lèvres ont bougé, je ne sais pas si c'est pour me répondre ou non. Et pendant cette période-là, même les koufars qui ont entendu que ce sahabi-là avait été boycotté de la part du reste des sahaba, lui ont envoyé une lettre. Les chrétiens lui ont envoyé une lettre en lui disant, on a entendu que ton compagnon, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'a boycotté, de même que les musulmans. Viens, hein, comme si en voulant dire, viens avec nous, hein, ils t'ont délaissé, viens avec nous, rejoins-nous, hein, en voulant dire comme pour l'appeler à quitter ou à aller vers eux. Et qu'est-ce qu'il a dit, hein, il a pris la lettre, il l'a brûlée. Et il mentionnait comment la terre lui paraissait étroite malgré qu'elle était vaste, hein. En tout cas, il a décrit le hadith, c'est un hadith vraiment touchant. Si vous le trouvez dans Riyad, vous pouvez le trouver dans Riyad Salihin, il fait comme 3-4 pages. C'est un des plus longs hadiths qui est dans Riyad Salihin. Une histoire vraiment, vraiment importante. Et vous voyez qu'après, la repentance d'Allah subhanahu wa ta'ala a été révélée. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné qu'il a accepté la repentance des trois qui étaient restés derrière, qui n'étaient pas allés au combat. Et ça, c'est une preuve que, donc, quand c'est des questions qui ont rapport avec la religion et des choses de ce genre, le hajr, le fait de boycotter ou de cesser de parler avec des gens, ça continue jusqu'à ce que la personne quitte sa bid'a. S'il ne quitte pas sa bid'a, ça continue donc à s'écarter de lui et à l'abandonner. Et il y a des gens qui disent parfois, et ça fait partie des shubuhat aussi, certains vont dire, moi je me tiens juste avec des gens comme ça parce que je veux les ramener à la sunna. Je marche avec des takfiriyins, je marche avec des ikhwan, je marche avec des tablir, je marche avec des soufis, je marche avec des modernistes, parce que je veux les ramener à la sunna. Hein? Et ça, c'est une de leurs shubuhat. Puis, tu les vois après quelque temps, petit à petit, deviennent eux-mêmes des takfiriyins, deviennent eux-mêmes des tablirs, et tu vois qu'ils s'égarent de la sunna. Parce que c'est pas vrai que tu vas rester avec ces gens-là, tu vas les côtoyer, puis qu'après ils vont venir à la sunna. C'est pas comme ça. Hein? Tu veux leur parler de la sunna, tu leur donnes un livre, tu leur donnes un audio, tu leur donnes quelque chose, et puis tu les laisses après. Tu leur parles, tu leur expliques après, mais tu n'es pas obligé de rester avec eux. Quand ils se lèvent, tu te lèves. Quand ils s'assoient, tu t'assois. Quand ils vont manger, tu vas manger. Quand ils vont au magasin, tu vas au magasin. Quand ils vont à la mosquée, tu restes avec eux. Tu traînes que avec eux, tu marches que avec eux, tu es tout le temps avec eux. Ça, c'est pas juste pour que. Ça, c'est pas qu'est-ce que tu prétends que tu dis, je veux les ramener à la sunna. Tu es avec eux parce que tu aimes être avec ces gens-là. Et parce que tu as cette choubha toi aussi dans ton cœur, tu es d'accord avec eux. Parce que qui se ressemble, ça semble. Hein? Si tu aimes les gens de la sunna, tu vas rester avec les gens de la sunna. Mais si tu aimes la bid'a, tu vas rester avec les gens de la bid'a. C'est comme ça la réalité. Combien de fois des gens comme ça, ils essaient de tromper les gens de la sunna en disant, non, je suis pas vraiment avec eux. Ça fait penser un petit peu à la parole des munafiqin dans le Coran. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Il dit, quand ils sont tout seuls avec leur diable, il dit, non, on est avec vous pour de vrai. On ne fait que se moquer. Hein? Allahu yastahzi'u bihim. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Allah, c'est Allah qui se moque d'eux. Et qui les laisse s'enfoncer dans leur aveuglement. Donc, et dans leur transgression. Donc ça c'est, à propos de ce point-là, c'est très important. Donc, on les aime pour leur islam, mais on s'écarte d'eux, on les coupe, on traîne pas avec eux, jusqu'à ce qu'ils abandonnent leur bid'a, selon bien entendu, qu'est-ce qui amène le bien et qui repousse le mal le plus. Et les ulama, ils ont une qaïda dans cette question-là. Ils disent que dar'ul mafasid muqaddam ala jalb al masalih. C'est-à-dire de faire en sorte que le mal soit éloigné à précédence sur le fait de ramener un bienfait quelconque. D'accord? Ça, c'est une règle très importante parmi les règles des ulama. Donc, si tu peux éviter le mal, ça c'est une chose qui a précédence sur le fait de vouloir ramener un bienfait. Et parmi les formes de hajj, il y a le hajj qu'on fait pour punir le mubtada, et il y a aussi une autre catégorie de hajj qui est le hajj al-wiqa'i, le hajj que tu fais pour te protéger et te préserver toi-même. Donc le hajj, c'est parfois pour punir le mubtada, pour qu'il sache que tu n'es pas content de sa bid'a et que tu veux le pousser à se repentir, comme à l'époque les sahaba, quand ils ont fait avec les trois qui se sont écartés, ils voulaient, c'était pour punir ces gens-là. Et il y a un autre hajj que tu fais, pas pour le mubtadi' lui-même, mais pour toi-même, parce que tu sais que tu es faible, que cette personne-là, si tu vas le côtoyer, il risque de t'envoyer des choubouhats, tu risques de ne pas être capable de lui répondre. Donc tu t'écartes de lui pour toi, pour ton bien à toi. Et ça, c'est quelque chose que les gens, parfois, ils oublient. Ils pensent que quand on réfute le mubtadi' ou quand on donne la nasiha, que la nasiha, c'est seulement pour le mubtadi'. Mais la nasiha, c'est pas seulement pour lui. La nasiha, c'est pour les musulmans en général qui ont peut-être été affectés ou influencés par cette bid'a, pour qu'eux soient protégés de lui. Donc c'est pas juste par rapport à certains qui disent ah non, le hajr c'est juste par rapport à la personne qui a fait la bid'a ou qui a fait l'erreur. Non, il y a plein de points comme ça à clarifier qui sont très importants. Mais là on a atteint la limite dans le temps par rapport à ce cours là donc peut-être encore un petit point, puis on s'arrête, Inch'Allah. Ok. Donc, Cheikh dit وأن هذه الجماعات الموجودة على الساحة تحمل بدعا متعددة. يجب أن يقال الحق ويبين ولا يكتم ولا يحملون بدعة واحدة وإنما يحملون بدعا متعددة. فالتنظيمات السرية في دولة مسلمة من البدع، والمجالس السرية دون عوام الناس بحجة المذاكرة وقراءة العلم هذه من البدع، وهكذا الانصراف عن العلوم الشرعية التي تربط شباب الأمة بخالقها وبارئها سبحانه وبسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام والعناية بها والذب عنها، كل هذه من البدع التي وقعت فيها الجماعات الموجودة على الساحة كالإخوانية والتبليغية، ومن جرى مجراهم ومن سلك في مسلكهم ونهج منهجهم. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici de toute façon, parce que si on continue pour juste expliquer ce point-là, il y a beaucoup d'éléments à clarifier en même temps, donc ce serait trop long. On va laisser pour le prochain cours demain, Inch'Allah, après le Dhuhr, Inch'Allah. Donc, on s'arrête maintenant, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.